la lune et puis la catastrophe mondiale. Je sors la mafia de 2048. J'arrive à skate volant sur le bitume et dépasse Mumba. Par là tout est là qui là à la la la blabla carte. Ok tout roule, j'ai du jus de compote, je vous pomme les récoltes. Nouveau territoire mondial, on se nourrit de la vie. A plus vite, va plus vite. Le vent en skateface, je dépanne, j'ai du courant avec lui, tout se suit bien, j'interviens bien. Et là la bien, tout va bien. Je vais chercher la baguette du matin, c'est rien. Puis d'heure, j'ai plus le temps, j'attends bien. Horaire sur mairie, nouveau drapeau français. Quatre thèmes sont mes choix pour les chinois ou noirs. Virtuel est mon passage, je t'emménage qui est King Kong part 1, partie 1, petit 1. Nike pour Mouka, Mars 1 d'une en action chez Action. Je vends pas des barrettes mais des kilos. Mes lingots sont si forts que j'ai acheté Google. Hashtag mafia, les gars galèrent, ils sont trop. Comme Pikachu m'a été braqué. Le petit Japon m'introduit, je suis Honda, c'est mon dada. Et je repars depuis belle. La vie, nouvelle jeu, nouvelle donne. Cool la vie est dark, retour combinaison de hacker. J'ai tout repris, mes reprises et donne un pique-nique. Allah sur terre et Dieu du ciel nous repère. Des BZ sont là, dans la 4J 2048, je montre. Warcraft mon territoire, je joue, je gagne, je joue, je perds. Je fais un film X, c'est la vie, et oui. Les terres sont là, plutôt amères. J'affiche l'heure du crime, les 4 chrono. À moi c'est toi, toi c'est moi, c'est tout. Nouveauté, actualisé, planifié, mon objectif. On n'était pas les premiers, la V2.2 nous a envoyé des virus comme le plus connu. Antidote chez Pexi, nouveau absolu. Je rafraîchis l'Afrique, son noir ou blanc, et de peau, cause du soleil. Notre industrie allemande, les drapeaux sont levés. Nouveau territoire, objectif Marseille. Je me déploie, porte des étoiles élevées sur Atlantis. Vaisseau de guerre, étoile noire, pourpre, et la bille du système 10.